Daniel, je sais pourquoi, chapitre 11, retour sur le passé. Surpris, je me retrouvais tout à coup devant ma maison d'enfance. Mon père, en forme, tirait de l'eau du puits, ma mère lavait le linge. Sébastien s'étendait à terre, tenant entre ses dents quelques brins d'herbe. Et moi, le petit garçon, je jouais innocemment à la balle. Oh, quel spectacle, mon Dieu, mais comment était-ce possible? Pouvais-je être deux, pensais-je? Là, dans ce gamin, et là, en esprit? Je regardais mon guide, déconcerté. Celui-ci avait le regard brillant, ému de ma réaction. Et ma mère, Dieu, comme elle était belle et propre! Mes souvenirs. Oui, je commençais à comprendre, et mon guide me dit, « Daniel, tu vois ici ton passé. L'esprit que tu es est l'avenir de ce petit garçon, ceci dans un seul présent, celui de l'éternité. » Ces deux situations peuvent interférer l'une sur l'autre. Je te le dis, Daniel, la science humaine aura fait l'ultime effort lorsqu'elle résoudra le mystère du temps. Approche-toi, dit mon guide, n'aie aucune crainte et visite ton refuge, ce qui pour toi est le commencement de ton tourment. Va et rends-toi compte que ce souvenir n'est qu'une image de ton esprit, extirpée de milliards d'autres étalés dans le présent de l'éternité. Tu comprendras alors que l'existence matérielle n'est que l'enchevêtrement du spirituel et de ces désirs essentiels qui inventent le temps et l'espace. Il me semble avoir pleuré d'émotion. Je me tenais là, face à moi-même, regardant évoluer ce petit homme. Oh Dieu, comme je ressentais de la peine à me voir ainsi, si petit et innocent, ne sachant l'horreur qui allait s'abattre sur ma famille. Brusquement, une angoisse m'incita à penser à une multitude de choses, m'imaginant des scénarios susceptibles de conjurer le sort qui m'attendait. Pouvais-je influencer l'ordre de ma vie? Était-ce seulement raisonnable? Cette visite de mon passé avait-elle pour but de faire converger mon enfance? La magie de la spiritualité me mettait dans une bien étrange situation. Mon guide s'approcha de moi et me dit « Profite de cette expérience pour contrôler le lien incommensurable qui nous unit à travers nos épreuves. Tu vois ton enfance comme une chose révolue, mais la spiritualité te la montre active, pondérable. Crois-tu que ton esprit puisse influencer et animer deux corps, voire des centaines, ou bien ne fait-il que vivifier un unique corps aux multiples extrémités, infinies en elles-mêmes? Il faut que tu le saches, Daniel. » L'incitation de mon guide eut raison de mes scrupules, et je me précipitais sur moi-même. Cette action émettait en mon esprit de curieuses répercussions. Les pensées que je croyais suggérer à cet enfant éclataient en moi-même comme une sorte d'écho. Je voulais prévenir ce petit garçon du danger que représentait ma mère, le sauvegarder du futur. Cette suggestion eut l'effet de stopper cet enfant, mon enfance, dans son jeu. Il se retourna, puis avança vers ma mère. Devant elle, de sa petite voix, il lui demanda « Tu m'aimes, maman ?» Tout en se penchant sur lui pour le prendre dans ses bras, elle répondit « Bien sûr, mon bébé !» et elle l'embrassa. Toutes les sensations et les pensées du petit Daniel existaient en moi-même, comme s'il n'existait aucun espace entre mon enfance et mon état actuel de conscience. J'étais ce petit homme et son futur tout à la fois, ressentant la maturité de mon esprit et le souffle physique du baiser de ma mère sur mon cou. Mon guide intervint. Daniel, tu ne peux changer le sens de ton épreuve, même en remontant au plus profond de ton passé, car tu y trouverais les mêmes répercussions, c'est-à-dire les tiennes, celles de ton choix, de ton libre arbitre. À chaque fois, tu ne pourrais que remarquer la concordance intime de ton cœur avec les images matérielles que celui-ci suscite. Tu ne peux effacer une chose que tu as choisie. L'épreuve que tu as vécue et celle que va vivre ce petit garçon sont le poids de ta conscience qui agit au présent de l'éternité et où ta raison matérielle découpe des vies et des morts, classées en souvenirs, puis éloignées les unes des autres par le besoin du repos et de l'exclusivité. Mais en réalité, il n'existe qu'une seule vie éternelle et sans réelle frontière. Ainsi, Daniel, tu pourrais remonter aux premières vies terriennes. Vous me dites que je pourrais tout aussi bien visiter toutes les existences qui ont précédé ma jeunesse meurtrie? Je suis intéressé et curieux de remonter à la souche de mon évolution, je vous l'avoue, la curiosité anime mes pensées. Mon guide répondit. Daniel, es-tu certain de trouver dans ce voyage au travers de la multiplicité des formes le seul intérêt de ta curiosité? Rappelle-toi qu'au plus loin des espaces, au centre de toute espèce, dans les moindres mouvements de la matière, c'est Dieu que tu trouveras. Et celui-ci n'existe pas dans l'apparence d'une vie, mais dans son fondement. Lorsque l'esprit envisage son passé sans l'appel sentimental des souvenirs, il y trouve, à travers l'océan des vies, non seulement les individualités, source des formes qu'il revêtait, mais également toutes les autres étalées en un présent où l'amour resplendit. Daniel, si tu arrives à assécher la source de tes émotions humaines, tu comprendras que l'existence de l'un fait partie de l'autre en un ordre que tu ne soupçonnes pas encore. Par ton propre être, tu visiteras l'humanité et l'éternité, au-delà du passé qui n'est autre que la face du jeu que tu ne regardes pas. Il n'existe aucune autre frontière que la conscience pour l'esprit. L'individualité est poreuse pour le spirituel. La situation de bilocation que tu vis perturbe ta raison et ses repères qui ne sont établis que par l'éducation terrienne. Mais cette situation doit te montrer que l'avenir et le passé sont doués d'interpénétration et sensibles l'un pour l'autre. S'il nous prenait l'envie de nous projeter vers l'un ou l'autre de ces pôles, à jamais nous nous situerions au centre d'un état divin et unique. L'avenir et le passé ne sont que tes propres limites, des frontières masquant l'action de ton esprit. « Oui, répondis-je, je comprends, mais comment se passer de ces repères d'avant et d'après ? À suivre votre raisonnement, il existerait, là, en ce moment, le début de la terre et peut-être même notre propre essence. » À ces mots, nous nous retrouvâmes dans une profonde obscurité. Le village de mon enfance s'évanouit à nouveau. Progressivement, et une à une, des milliers de minuscules lumières s'allumèrent devant nous, décrivant des mouvements presque imperceptibles. Je demandai à mon guide « Où nous trouvons-nous ? » Il répondit « À la source des dimensions et du visible, au milieu d'un élément constitutif, canevas de l'univers. « Oh oui, répondis-je, et où se trouve cette région ? Dans le lointain espace ?»« Non, répondit mon guide, cette région existe dans le corps du petit Daniel que nous visitons. Dans cet espace existent aussi nos vies et Dieu. Les valeurs dimensionnelles ne représentent rien pour l'esprit. C'est donc cela, le début ? Non, Daniel, il n'existe pas de début. Je te montre ici la relativité des formes que ton esprit dynamise. Le début n'est que la matérialisation d'un éclair de conscience propre à l'observateur. Qu'est-ce que ces lumières, ces étoiles ? S'agit-il de planètes ou des soleils tels que nous pouvons les voir dans l'espace terrien ? Non, Daniel, nous ne sommes pas dans un système planétaire, mais dans un espace atomique. Les scintillements que tu perçois sont issus des mouvements existentiels des éléments matériels. Leur luminosité n'est pas fondamentale. Ces éléments atomiques, que la science découvre, sont en fait l'agglomérat d'une pensée propre à l'esprit, perçue par l'observateur. Plus la science humaine continuera à percer la fibre de son existence, plus elle comprendra que le monde est, pour l'observateur ou son utilisateur, relatif dans sa forme et sa densité. Les théories échafaudées par l'observation des éléments isolés ne sont que l'ombre de la vérité, tributaire des outils qui les mesurent. La matière est un infini en tous sens. Regarde donc, nous sommes au centre du corps de chair que tu as perdu, traversant le temps et l'espace. Nous pourrions aussi, à partir d'ici, visiter l'espace intérieur de la Terre, du Soleil, et nous apercevoir que toutes ces formes sont pondérables grâce à un besoin. Nous pourrions éternellement chercher un élément basique à la matière, car il n'en existe pas. Les planètes ont donc un rapport commun avec les éléments qui la composent. Elles sont infinies et réelles selon les lois d'affinité. L'équilibre spirituel est en cela difficile pour les jeunes raisons, puisqu'aucun repère ne peut prétendre être fondamental. Tout doit être ressenti au-delà de la visualisation. La vie matérielle n'est utile que dans son application, elle est en cela davantage une interrogation qu'une prison au premier sens du terme. Oh, tout ceci me paraissait bien compliqué, pourtant quelque chose m'obligeait au respect. C'était comme si mon cœur comprenait ces pensées alors que ma raison les rejetait. Mon guide me dit « Daniel, ta raison est l'ombre de ta conscience. Elle est comme la particule divisible à jamais, à la différence de ta conscience qui n'a pas de mesure. Nous pourrions à l'infini diviser la raison, la sonder, à chaque étape franchie, nous en trouverions une autre. » Mais la conscience est-elle indivisible, la base de tout ? Oui, dis-je, je commence à comprendre, ceci me plaît. Oui, dit mon guide. J'étais heureux, me trouvant là au milieu des particules d'un corps, dans l'univers, au sein du matériel. Dieu, comme la vie est belle ! Comme assez souvent, mon guide s'éloigna de moi, disparaissant peu à peu dans le noir de cet univers. Délicatement, ses contours s'estompèrent, un peu comme lorsque l'on s'éloigne d'une source lumineuse. Il s'enfonça dans l'immensité d'un espace qui, au plus profond de moi, m'enivrait, mais au demeurant, me faisait un peu peur. Dans un soubresaut frissonnant, je décidai de le suivre. Mon action me transporta dans un autre lieu qui ne m'était pas étranger. Une ville, des automobiles, la foule, du bruit. Oui, je reconnaissais cet endroit. La Terre ! Mon guide, apparaissant, me dit « Nous sommes revenus sur Terre. » Oh, ces voyages m'étonneront toujours, autant dans leur forme et dans leur sens que dans leur contenu théorique. Mon guide dit « Sache, Daniel, que les théories ne sont pas fondamentales, mais comme le laisse supposer ce mot, elles sont de multiples façons d'aborder l'absolu que jamais l'homme ne pense atteindre. Pourtant, l'absolu est en lui, mais il lui tourne le dos. La connaissance que je t'apporte à travers différents stimuli n'est qu'une expression de l'absolu. Tu en retiendras la charpente et non la couverture. » J'étais devenu très friand de ces allers et retours sur ma vie et les acteurs de celle-ci. Ma vie qui maintenant s'éveillait d'un nouveau jour et s'étendait au-delà des barrières idéologiques que jusqu'ici je pensais fondamentales. Mon existence était aussi bien ma naissance que ma mort ou ma vie spirituelle, tout ceci dans un ordre malléable selon mes besoins et mes expériences. Je me retrouvais là, dans une grande ville terrestre, dans une autre sphère, un autre jour de mon interminable existence. Tout à coup, je fus attirée par une femme vieillissante. Je m'approchai d'elle. « Mais c'est Marie-Noël » m'exclamai-je. « Marie-Noël » rajoutai-je, tout en la montrant du doigt, tel un enfant. Mon guide, souriant, me répondit. « Oui, et elle se rend chez sa fille pour visiter sa petite fille. Nous allons la suivre. N'oublie pas qu'ici, seul ton cœur te met en face de tes responsabilités. » Plus je m'approchais de Marie-Noël, plus je distinguais autour d'elle une forme vaporeuse indéfinissable. « Qu'est-ce que ce tourbillon ?» Mon guide dit « C'est l'esprit de son mari. Nous avons affaire à un triste individu, meurtri et désemparé. Il ressemblait dans ses déplacements à un ballon que l'on agiterait au bout d'un bâton, suivant l'élan de la marche, en remuant sans aucun ordre. Il restait là, abruti et effacé. Mon Dieu, quelle épreuve ! À mes pensées, mon guide me dit « Vois-tu, Daniel, la lourdeur spirituelle de cet esprit l'emmènera de nouveau ici sur terre retrouver l'infâme trace matérielle qu'il a laissée derrière lui. Aujourd'hui, Marie-Noël devient son seul repère. Bientôt, il ne pourra plus résister à l'incarnation par laquelle il se plongera dans l'affre de ses handicaps. Il n'y aura nullement besoin d'un jugement, ni d'une cour d'appel ou d'un sommet des justes pour décider de cela. » Seul le poids inéluctable de ses fautes suffira. Vous dites que Dieu ne juge pas, n'oblige pas ? Dieu n'agit pas tel que tu l'imagines. Son action est au-dessus des préceptes humains. Elle est toujours globale et non circonstancielle. Oui, bien sûr, pensais-je, tout en suivant Marie-Noël et son esprit pilote. Elle s'engageait dans l'immeuble de Suzanne. Je reconnaissais bien cet escalier, moi qui, il y a à peine quelques secondes, était au milieu des particules du corps que jadis je possédais. En fait, je voyageais dans un même présent où se situent des espaces différents les uns des autres. Tout ceci marquait sur mon visage un sourire de contentement. Mon guide comprenait mes sentiments, remarquant là mon éveil. Marie-Noël ouvrit la porte de chez Suzanne et pénétra dans l'appartement. Philippe n'était pas là, mais une enfant d'à peu près 6 ans mangeait à table tout en jouant avec de petites poupées bien étranges. C'était une belle enfant, aux cheveux bouclés et à la peau basanée. Cette beauté enfantine me faisait presque oublier que dans ce corps de chair existait un esprit pathétique, presque drôle, qui, alors désincarné, s'agitait autour du ventre de Suzanne. Tout ceci me rappelait les enseignements de mon guide. En effet, moi-même, étais-je le passé ou l'avenir de cet enfant ? L'esprit même de cette fillette pouvait-il provenir du futur et traverser cette vie sans vouloir la changer, mais en acceptant la trame essentielle d'un univers où les séquences existentielles s'effectuent dans un ordre défiant toute mathématique ? En y regardant bien, je percevais l'esprit de la fillette qui était partiellement décorporé. De son côté droit sortait une partie de son périsprit, comme si l'esprit même de l'enfant voulait une dernière fois jouir des facultés d'entité désincarnée avant d'être définitivement happé par la biologie oppressante du corps humain. Mon guide intervint. L'enfant en bas âge est généralement disposé à la médiumnité ou tout au moins à la sensibilité spirituelle, car son enveloppe charnelle, encore en construction, n'offre qu'une frêle résistance aux émancipations de l'esprit. Comme déjà je te l'ai expliqué, l'incarnation n'est entière qu'au zénith de la puberté, après quoi il s'engage dans la désincarnation, engendrant l'effet de la vieillesse, ceci jusqu'à la totale disparition de sa dépouille. Tu en as ici un exemple. Cet esprit se dégage lorsque son corps est au calme, dans le jeu, la réflexion et le sommeil. Pensez-vous que cette entité me voit et me reconnaisse ? Daniel, sache que la reconnaissance n'est pas tributaire des formes. C'est une perception spirituelle que l'esprit aborde selon ses disponibilités. Ainsi, il t'aura fallu du temps pour reconnaître ta situation et pour me percevoir, ce qui n'a rien à voir avec le fait de voir ou non. Les couleurs de ton erraticité ont été engendrées par ton esprit. Cet esprit ne te reconnaît pas. Ses préoccupations sont autres, essayant désespérément de conserver mentalement le pourquoi il est ici, ses propres raisons. Autant de formules et d'arguments qui peu à peu s'effacent de sa raison. C'est ainsi que l'homme oublie d'une manière toute relative ce qui fut son antériorité, dans un mécanisme soumis à la volonté de l'esprit et non sous la domination divine. Il n'impose aucune loi, puisqu'elles sont par principe indispensables et de toute éternité. La fillette parlait toute seule en manipulant ses poupées très malléables. Marie-Noël s'entretenait avec sa fille. Je ne percevais pas très bien l'esprit du mari de Marie-Noël, ni ne percevais celui de ma mère qui hier la protégeait. Mon guide restait muet à mes interrogations, d'ailleurs très secondaires. Il me semblait que quelque chose en moi s'était apaisé. Cependant, plusieurs soucis persistaient, comme le devenir de mon père et de sa fille. Tout ceci s'agitait par moments en mon âme, sans réellement m'indisposer. Mon guide s'approcha de moi et me dit « Daniel, vois-tu l'application de l'existence ? Comprends-tu l'élan de l'interpénétrabilité et que rien ne se mêle au gré du hasard ? Chacun suit sa route, sa destinée, une évolution jamais éloignée des autres. Cet enfant va devenir une bénédiction, l'avenir est prometteur. » Avec surprise et contentement, je vis apparaître dans la pièce l'esprit de Sébastien. « Tiens, dis-je, mon frère !» Celui-ci me répondit en souriant. « Mais Daniel, nous sommes tous frères, comprends-le » Il termina sa pensée en passant devant moi, se dirigeant vers mon guide. Tous deux s'entretinrent sur un sujet semblant sérieux. Je m'approchais et tentais de capter leurs pensées. Je pouvais les recevoir, ce qui indiquait que j'avais évolué. Il se disait « L'évolution avance et ses effets éprouvants se manifestent. » Je ne compris pas le sens de cette phrase avant que Philippe n'entre dans la pièce à son tour. Oh mon Dieu, il paraissait fatigué et mal en point. Au centre de son buste vibrait un petit point gros comme une orange. Sa couleur était grise, presque noire. Cela ressemblait à une boule de poussière. Curieux, je demandai. Qu'est-ce que cette tache ? Mon guide me dit. Daniel, Philippe est atteint d'un cancer. Cette maladie provient de son passé antérieur plus que d'une disposition organique. Son corps joue ici le rôle du truchement. Le cancer est la manifestation d'un mal spirituel qui atteint l'astral terrien, signe d'une prochaine révolution sociale et culturelle. Vous voulez dire que Philippe va se désincarner ? Oui, bien avant la vieillesse. Cette disposition à la mort prématurée est venue avec lui. Il vivra sa maladie avec dignité et elle lui sera profitable. Il verra là s'accomplir la fin de ses épreuves. Oui, mais Suzanne, que deviendra-t-elle ? Elle vivra et se servira de son passé comme d'un exutoire. Elle le fera sans véritablement en prendre conscience. Vous me semblez très solennel, mon guide. Crois-tu ? Dit-il. Tu manifestes là un curieux sens des comparaisons. Sébastien, quant à lui, se tenait près de Philippe qui, en cuisine, se versait une tasse de café et allumait une cigarette. Marie-Noël se penchait sur lui, conversant gentiment avec lui. Me tournant vers mon guide, je lui demandais « Et l'esprit de ma mère, du mari, où en sont-ils ? » « L'esprit de ta mère travaille ailleurs, mais pour la même affaire. » L'esprit du mari s'éveille en suivant la fillette dans son existence de rachat. Mais viens, nous allons voir ta mère. C'est ainsi que nous nous retrouvâmes dans une cour intérieure formée par un groupement de maisons. Le calme régnant était cependant troublé par les couinements que faisait une petite voiture à pédales avec laquelle un petit garçon jouait. Je descendis vers lui et le regardai. Curieux, je demandai : « C'est ma mère incarnée ? » « Non, répondit mon guide, voici l'esprit d'un des anciens violeurs de ta mère. Un jour, ce garçon épousera la fille de Suzanne. Ils auront des enfants, qui seront l'application finale d'une épreuve à laquelle tu n'es pas étranger. » « Comment cela, dis-je? Vous voulez dire que j'aurai quelque chose à voir avec cette future génération ?»« Oui, Daniel, mais ne m'en demande pas plus et observe l'esprit de ta mère. » En effet, je trouvais ici la silhouette d'une femme belle et radieuse. Oh, j'aurais eu grand mal à la reconnaître si mon guide n'avait pas été là à aiguiser mes sens. J'avoue que j'étais très émue. Je demandais encore « Que fait-elle ici ?»« Tu ne le devines pas ?» répondit mon guide. « Elle est devenue un guide ?»« Oui, en quelque sorte. Elle guide cet enfant jusqu'à l'accomplissement de son devoir, émettant de l'amour sur celui qui hier était son ennemi. Vois-tu ? Tout a une raison d'être, et l'espoir n'est pas un leurre. Pourquoi tout ceci? Y a-t-il véritablement une application à ces épreuves? Mais, Daniel, oublies-tu que les esprits s'attirent entre eux suivant les blessures qu'ils ont en commun, cherchant pour se guérir le pansement que possède l'autre? Ce besoin de l'autre est un fondement de l'univers et existe sous toutes les formes, même à travers celles qui lui paraîtraient les plus antagonistes. Et pour moi et ma mère, notre épreuve aura-t-elle besoin d'une nouvelle rencontre ? En doutes-tu encore, Daniel ? Dit mon guide, tout en souriant. Devant cet enfant, mon esprit devenait le théâtre de tant de souvenirs. Dans ce dédale, mes visions spirituelles se mêlaient à celles que j'avais alors sur terre. J'étais spectateur, meurtri, sans avoir aucune raison de l'être. Je savais qu'ici se manifestait la plus sublime des miséricordes. J'en ressentais même un besoin, non celui que l'on a pour une chose, mais qui vous oblige à lever les yeux au ciel et à se livrer à la rédemption. Moi qui, il n'y a pas si longtemps, me montrais puissant et rassasié par la somme de mes expériences dans l'ératicité spirituelle, je m'avouais à moi-même avoir une envie indéfinissable d'accomplir un acte d'incarnation. J'étais subjuguée devant un enfant qui, je le savais intuitivement, allait devenir l'aplanissement de l'épreuve qui pesait encore sur moi. Tel un père, mon guide, penché sur moi, réconfortant et plein de tendresse, me dit « Ne sois pas inquiet, ni surpris, car tu ressens des choses inéluctables pour toi. Face à l'épreuve qui t'emmenait à la mort, à la souffrance, la terre t'était devenue monstrueuse, ainsi que la vie qui s'y déroule. Dès lors, tu refusais l'éventualité d'une nouvelle incarnation que je te proposais. Tu étais encore aveuglé par tant de préjugés et espérais ressentir ce besoin d'incarnation avec ta raison obtuse, mais en vain. Aujourd'hui, devant l'avènement que représente cet enfant, tu ressens spirituellement ce besoin proportionnel à la gravitation mentale qu'exerce ton esprit sur la matière. Personne ne t'obligera à suivre cette route, ni moi, ni un autre esprit. Il n'y aura pas un dieu accusateur pour te contraindre à l'incarnation. Tout ceci s'effectue sans calcul ou véritable programmation, si ce n'est dans l'imagerie mentale de l'esprit des hommes et de leurs semblables en évolution. Le pragmatisme humain ne pourra pas établir un ordre intellectuel sur l'incarnation qui est soumise aux pulsions purement spirituelles et dans un champ d'action incommensurable. Tout cela est soumis au cœur que le méticuleux ne sondera pas. Daniel, ne te morfonds pas, tu dois poursuivre ton chemin sans essayer d'attendre un signe d'une chose qui n'existe pas ailleurs que dans ton esprit et ses besoins. Là, j'en étais certain, ce petit garçon serait un jour mon père. De profondes angoisses parvenaient à m'oppresser, des sensations que jusqu'ici je pensais ne plus avoir. L'existence me montrait sans vergogne que tout restait à faire et mon éducation spirituelle ne faisait en fait que de me mettre en face d'un manque cruel d'application. Je dis à mon guide « Je suis très heureux de cette nouvelle. » Mais, très vite, mon guide m'interrompit et dit « Mais qui te parle de nouvelles ? Je ne t'ai quant à moi rien révélé. Seul ton esprit en tire des conclusions. Je ne suis pour rien dans ton destin. Sache-le. » Ces paroles laissaient comme un vide en moi et me désemparaient. Il affirmait qu'il n'était pour rien dans mon destin. Pourtant, toute mon expérience post-mortem avait été gouvernée par sa présence. De nouveau, je me sentais bien seule face à un choix, mais devant une attraction indéfinissable, à l'exemple de deux êtres tombant amoureux. Mon guide, toujours très attentif, me dit « Pourquoi tant de doutes, Daniel ? Il te faut bien comprendre le sens de mes pensées. Je t'ai influé que je n'étais pas responsable de ton destin. Ma présence et mes conseils étaient soumis à ton libre arbitre. » Mon but était et est encore ton épuration spirituelle qui doit t'amener à une nouvelle expérience terrestre. Depuis notre première rencontre, je savais que l'incarnation était un besoin pour toi, mais tu ne l'entendais pas. Aussi t'ai-je accompagné dans ton voyage. Je ne t'ai jamais obligé, toi seul construisais ta réalité. Rien ne sert de forcer la main à un esprit. Le mieux est qu'il comprenne de lui-même le sens essentiel de l'évolution qui l'amènera naturellement vers sa propre densité. L'incarnation, plus que toute autre chose, est liée à ce choix. À l'instar de ce que pensent certains ensembles philosophiques, l'existence terrestre n'a jamais été une condition irrémédiable dans l'évolution de l'esprit. Elle est un état de fait. La Terre existe dans l'horizon de l'esprit parce que son besoin est réel pour lui. Sa forme, sa densité sont facultatives. Les lois universelles qui régissent l'existence sont faites d'un ordre statique et immuable qui ne s'appréhende pas par l'obligation ou le simple choix. Tu essaies encore d'évaluer une situation astrale avec des repères terrestres. L'incarnation, bien qu'elle se manifeste en matière, est un acte spirituel déterminé par une attraction magnétique engendrée par ton esprit. Prends pour exemple l'aimant et le fer. Plus il est proche de l'acier, plus son attraction est puissante. Plus il s'en éloignera, moins son effet l'en rapprochera. Tu l'auras compris, le fer est l'existence terrestre et l'aimant est ton esprit. Il y a ici notion d'attirance, de besoin, de sympathie beaucoup plus complexe que l'action magnétique de l'aimant. La Terre et les régions analogues sont inéluctables aux esprits empreints des limitations des espaces et du temps. Néanmoins, la Terre peut libérer dans l'astral des entités aptes à concevoir l'uniformité de l'existence éternelle, des bienheureux qui nous rejoignent ici sans avoir besoin de sentir ou de voir. Mon guide me donnait ici une bien belle leçon, et l'exemple de l'aimant me parlait tout particulièrement. J'aimais en effet ces comparaisons avec des choses que j'avais connues et qui m'éclairaient. Ici, je comprenais que ma vie sur Terre n'était autre que le résultat de mon poids, de ma propre évolution. J'en déduisais alors que ma spiritualité du moment, surchargée de limitations, me poussait une fois de plus dans les affres de la matière. Daniel, nous avons la même essence et il n'existe pas de frontière en tous les sens du terme. Ta raison encore obtuse établit un réduit d'investigation que l'on nomme la vision. Mais en réalité, l'esprit ne voit pas, il perçoit. Ainsi, ta propre découverte est-elle assujettie à une conscience non encore réveillée qui évalue l'ensemble de ce qui t'entoure à travers la meurtrière de ta raison d'homme. Tu ne peux donc comprendre par déduction ce qu'est l'éternité. Ce que découvrira le monde incarné, à travers ton enseignement ainsi révélé, restera l'appendice de la grande révélation qui peu à peu bouleversera les idées préconçues. Ce même monde ne t'aura pourtant pas épargné et sa charge humaine gardera encore tout son secret. Dans ton erraticité, tu n'as pas visité les guerres et leurs répercussions, tu n'as pas sondé les sombres coulisses de l'histoire, tu n'as pas pénétré les maladresses des religions et les cœurs fatigués de ses acteurs. Vois-tu, Daniel, le monde te rappelle à lui, car tu ne l'as pas révisé ni aplani dans les rugosités qu'il te montre. Tu t'en rapproches par habitude, sans même remarquer la magnificence du lieu, formidable fresque où chaque homme et femme y laisse sa griffe. La terre est un carrefour où, à chaque passage, l'esprit comprend de mieux en mieux la région sympathique qu'elle suppose. Daniel, tu dois croître et à travers l'existence terrestre qui s'élève devant toi, tu achèveras la percée philosophique de ton éveil spirituel par le canal médiumnique qui bientôt t'appellera. Petit à petit, mon guide devenait trouble, ses contours s'estompaient. Derrière lui se formaient au même instant les couleurs de l'endroit que j'avais fini par oublier. Le jeune garçon était toujours là, jouant sans relâche, concentré, occupé. Instinctivement, je cherchais l'esprit de ma mère que je savais être présente. Sans rien voir, j'entendais profondément en moi la voix de mon guide me disant « L'amour, Daniel, l'amour est le sens de l'existence. » Oui, il n'y avait pas l'ombre d'un doute, et les multiples affirmations de mon guide confirmaient ce qui grandissait chez moi. Puis, l'on m'appelait. Me retournant, je ne vis rien sur le coup. Insistant sur l'endroit d'où provenait la voix, je vis difficilement se profiler une silhouette blanche. L'on aurait cru la manifestation d'un vieux souvenir. Oui, celui de ma mère, belle et souriante, heureuse, telle que je me la remémorais. Mais il ne s'agissait pas d'une simple image, mais bien d'un esprit, une entité aimante, pleine de mansuétude. « Daniel, me dit-elle, ou m'influa-t-elle. Son image devint très nette et pondérable pour moi. « Daniel, mon fils, dit-elle avec une émotion. « Maman, c'est toi ? M'exclamai-je comme un enfant. « Oui, je t'ai reconnu et j'ai senti ton arrivée. « Alors c'est fait, tu es prêt ?»« Oh, je ne sais pas, j'ai un peu peur, surpris par mon besoin et tiraillé par mon manque de connaissances. « Il me reste tellement de choses à faire, comme le dit mon guide. » Ma mère me répondit, « Le monde ne se découvre pas, il se construit autour de nous. Il faut autant l'appréhender avec son cœur qu'avec ses yeux. La vie que tu ressens aussi fort fait partie de la découverte. Devant un tel changement, un tel discours, j'exprimais ma joie. « Oh, c'est bien vous, ma mère, je suis si heureux !» J'étais enfin dégagée du refus du mensonge et de l'aveuglement. »